Voilà, on est revenu dans le top chrono week-end. On parlait athlétisme, on parlait de Christelle Donné. On va y revenir dans deux secondes. On est avec monsieur Henri, football. Depuis tout à l'heure, tiens attentif, hein, Henri. L'athlétisme, c'est quelque chose que tu connais? Oui, je connais vaguement, mais je connais. Mais par contre, par rapport aux catégories cadets, c'est à partir de quel âge? Cadet, c'est 15 ans, 16 ans. D'accord. Et junior, c'est en Suisse, 17, 18, espoir, et ensuite, c'est... et après senior. Ah, il y a espoir et après senior. Ouais, senior, ouais. D'accord. Ouais, ça correspond un petit peu au 15 ou au 20, quoi. Voilà. Ou 19. À peu près la même chose, ouais. D'accord. Et juste une petite question. Je sais, par exemple, que dans le milieu du foot, souvent, entre 14 et 16 ans, les jeunes, en général, qui ont commencé le foot très tôt, vont vers autre chose. Est-ce que dans l'athlétisme, vous retrouvez un peu les mêmes comportements ou pas du tout? Oui, si, c'est pareil. Exactement pareil. Bah, et le trou, il est en junior, en fait. Donc, c'est 17, 18 ans. Je pense que c'est dans tous les sports pareil. Hein. Ils vont voir autre chose. Ouais, non, on a déjà parlé de ça mille fois, Fred, toi et moi. Les filles, quand tu étais jeune, et, 17, 18 je ans. Je crois que les gamins de 2017 ont moins la passion que nous pouvions l'avoir à leur âge. Et peut-être parce qu'il y a plus de distractions, il y a plus de trucs qui les perturbent autour. Ouais, je me souviens que ma génération de gamins avec qui j'avais commencé à l'école de rugby, on est allé quasiment jusqu'au bout tous ensemble parce qu'on aimait ça tout simplement et parce que on n'avait pas de PS, on n'avait pas de Facebook, on n'avait pas de machin, rien ne pouvait nous distraire de l'objectif d'aller jouer en première à un moment ou à un autre. Et les gamins aujourd'hui, on a déjà fait le constat, Fred, plein de fois et avec plein d'intervenants, mais ils sont sûrement un peu moins passionnés que nous pouvions l'être à notre époque. Je pense que Eric pourra me le confirmer. Voilà, c'est un fait. Combien de licenciés tiens, Capanda? On a pour le moment 203 licenciés. Disciplines? Plusieurs. Toutes disciplines, courir, sauter, lancer. Hein. Tout à fait. Sur la perche, sur la perche, épreuve combinée. On a des formateurs, enfin des éducateurs pour. Combien d'éducateurs tu as derrière toi? Là, on en a pour le moment 5. Voilà, il y en a 2 en formation. Et... La mairie de Carpentras. La mairie nous aide par des vacations. Et puis après, nous, on essaye de trouver l'argent pour rémunérer un petit peu, d'effrayer, disons. C'est pas comme dans le football, on n'a pas autant d'argent. Enfin, c'est pas pour dire, mais voilà. Et du coup, moi, je connais des entraîneurs d'athlètes qui touchent énormément d'argent aussi. Enfin, je citerai pas de nom, mais... Ils ont signé la Bédarine, je crois. Écoute, c'est des gens que je croise régulièrement le mercredi soir au verre d'eau, mais je citerai pas de nom. Non, Eric, revenons plus sérieusement. Mais c'est vrai que moi, ce que je veux, en fait, parce qu'on dit c'est bien les bénévoles, c'est vrai. Mais les jeunes que je forme, je veux tout faire pour qu'ils passent déjà des brevets d'État, qu'ils arrivent à gagner un peu leur vie ou même leur vie, parce que c'est possible, en allant d'un club à un autre ou dans d'autres choses. Et ça, je m'évertue à faire ça, surtout. Voilà, ça, c'est aussi ma direction en tant que président. C'est bien pouvoir partir moi-même et puis je sais que voilà, il y aura quelqu'un là, dans tous les postes, et des jeunes qui ont envie et puis qui puissent gagner un peu leur vie, quoi. Tiens, tu nous parles un petit peu de satisfaction, d'envie, de la plus grande satisfaction au niveau aujourd'hui de coach. C'est quoi? C'est de voir tout à l'heure, tu nous as laissé un petit peu des traces de quelques coureurs et athlètes qui ont fait carrière. Oui, qui ont fait carrière et puis aussi, surtout, qui continuent, et même qui donnent des messages, qui continuent l'athlétisme. Hugo Prieur, il est au club d'athlétisme de Montpellier, puis il entraîne maintenant. Donc voilà, il est heureux, il vient me voir, il me raconte. Il y a plein de jeunes, j'ai 2 jeunes qui vont revenir au club et qui ont un brevet d'État, donc je vais les prendre parce que je sais qu'ils sont passionnés. Je veux des gens passionnés et je veux passionner les gens. Enfin, j'espère que j'y arrive. Mais c'est bien, déjà, nous, vraiment, on prend goût à tout ce que tu dis. Donner espoir. On lit un petit peu tout ce que tu es en train de nous dire. On boit, on est en train tous de prendre cette information. On essaye de donner aussi. Même il y a des jeunes qui ne sont pas forcément bons au début et puis faut leur donner confiance et puis ils apportent autre chose. Il y en a, on forme aussi des juges, des minimes qui vont faire juge, qui sont plus ou moins bons pour le moment, mais du coup ils prennent goût, ils nous aident pour autre chose, puis après ils veulent s'entraîner plus. Enfin, c'est tout un groupe, on essaye de créer aussi un groupe pour pas qu'ils s'en aillent, comme on disait tout à l'heure. Donc ils se retrouvent après le club. On t'a jamais envoyé des petites perches d'autres clubs pour essayer de récupérer ce que tu es en train de nous dire en disant tiens, tu pourrais venir faire éducateur. Oui, bien sûr, il y a plein de clubs, mais je sais pas, moi je suis bien carpentras. Si j'ai fait il a un message d'un mec qui a tout compris tout simplement et c'est pas plus compliqué. Et quand je connaissais pas, je découvre moi ce soir Eric Fagot, mais il a le message que tu as envie d'entendre de la part de n'importe quel dirigeant, président, entraîneur. Il fait à la fois de la pédagogie, il fait à la fois de la formation, il accompagne ses athlètes, il récupère les mecs qui reviennent. Alors j'ai balancé, ça a fait rire Didier, mais j'ai balancé par exemple le CSMA qui se construit sur d'aller chercher des mecs à droite à gauche, c'est pas aussi solide que ça devrait l'être. Tu parlais toi de Sainte-Marguerite tout à l'heure. Eh bien, ils font un minimum de formation, mais ils vont s'acheter un Kenyan, deux machines, deux trucs. Eh bien, c'est pas comme ça que moi je le vois, en tout cas. Et je suis plus enclin à apprécier le discours d'Eric Fagot. Et bien que j'ai absolument rien contre la présidente du CSMA, c'est pas le but. Mais j'apprécie beaucoup plus le discours d'Eric ce soir plutôt que le discours de ces présidents qui arrivent en disant oui mais moi j'ai acheté un machin, j'ai acheté un Kenyan, j'ai acheté un truc. Enfin, c'est comme au rugby quand tu achètes un Australien, et ben tu en as pour 2 ans, tu le sais, et point barre. On n'est pas sur les mêmes objectifs, je crois, Didier. Mais on est là pour partager au niveau de la communication et de nos points de vue, et c'est ça qui est la base et qui fait évoluer les choses. Tu nous as amené quelques d'entraînements, je connaissais comment ça, mais ce soir je l'ai plus approfondi. Et c'est vrai que je crois qu'on a Ça faisait longtemps que je voulais que Eric soit présent. Ouais, mais je voulais pas parce que lui. Ah, toi aussi tu l'aimes pas alors. Non, en plus, j'étais sur l'air d'arriver et j'ai eu la chance de rencontrer après sa course, ça fait une belle course, c'est Christelle Bardel qui est une V2, elle fait deuxième en V2. On sera présente chez elle le 27 mars, le lendemain du Tour des Remparts, avec Jean-Pierre Buix, Billy Baroni. Elle vient souvent courir le soir. Moi je la connais bien, oui, parce qu'elle vient courir dans l'hiver, elle vient sur la piste et elle lève le doigt à dire est-ce que je peux venir courir. Et là on a sympathisé, et puis moi je vais à Bully Baroni, je connais son bar. Ah, oh, c'est gentil. Presque je t'attendrai à la perche pour venir avec nous. Parce qu'on va passer pratiquement. Oui. C'est une émission qui va te consacrer qu'à ça pendant 1h30. On sera chez elle. On mène tout le studio. On dirait de chez elle. Très sympathique et humble. C'est vrai que Christelle, je n'avais pas trop entendu parler. Maintenant, au niveau de sa ligue, elle n'est plus ici sur la région. Je me suis dit, est-ce que je vais la revoir en France ou elle a raccroché, à s'investir à fond dans son restaurant. Elle a été blessée. Mais la voir là, rivaliser aussi avec ce groupe, qui a vraiment donné, elle est pas loin d'une Kenyenne, elle a mis le paquet. Et les filles avec Duarte qui est une coureuse de style. On va finir juste une question qui me plaît, qui me déplaît. Après chacun pensera ce qu'il voudra, ce qu'il pense de ce championnat de France. Ce championnat de France avait beaucoup d'étrangers. Et le champion de France, chaque fois, qui est un petit peu. Est-ce que c'est normal? C'est comme tous les clubs, on a beaucoup d'étrangers qui viennent courir en France, bon voilà quoi. Et on se retrouve avec des challenges un petit peu effacés quoi. Ouais, c'est vrai que c'est bon pour les championnats de France de cross, un peu moins, mais souvent championnat sur piste, c'est vrai qu'il y a des qualifications difficiles, je parle 800 mètres ou 1500 mètres, il y a des minima. Et puis on se retrouve au championnat de France, il y a 5 vraiment français qui ont du mal à se qualifier, et puis les autres, c'est des étrangers qui font leurs études là, ou qui s'entraînent, mais qui sont qualifiés avant nous, parce qu'ils sont plus forts. Alors c'est dommage pour le potentiel qu'on a en France, qui sont à la barrière là, et puis ils ne peuvent pas, parce qu'il y en a, il y en a d'autres qui sont très forts, mais qui ne sont pas français. Enfin, ouais. Merci Eric, on a passé une super soirée. Alors rigole pas, c'est Monique, hein. Si vous la connaissez pas, vous retrouverez sur Facebook. Et enfin, vous pourrez y mettre des petites aiguilles à chaque fois que vous verrez son image. C'est bien, hein, qui nous taquine tous les soirs. On va terminer avec peut-être Didier. Et puis La semaine prochaine, lundi prochain, je vous donnerai quand même les résultats au niveau des clubs et des certaines têtes d'affiche du département. Et puis aussi d'Hassan Chadi qui s'est imposé pour la troisième fois, puisqu'il a gagné au Muro il y a 2 ans. Il a gagné l'année dernière au Mans. Et là, cette année, Hassan, qui était un jeune de Bonneville, et prépare son marathon à Paris pour tenter les minima. J'arrive, dernier mot. Non, écoute, ben, on a passé un bon moment avec, avec Eric. Encore une fois, je l'ai découvert ce soir et j'apprécie ce genre de discours, vraiment, j'apprécie ce genre de discours. Voilà, si c'est pas merci quoi faire, beaucoup. Il sera invité lui aussi à mieux s'ennuie. Merci encore, Eric, merci. Ouais, merci à vous. Merci. Merci, Henri. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Bon sport pour cette semaine. Bye bye, à très bientôt. Merci encore. Ce programme sportif vous a été offert par le groupe Bélussy, votre spécialiste sanitaire, plomberie, chauffage, présent sur 12 points de vente dans la région. Plus d'infos, www.bélussy.fr.